بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 64 dans la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Cette dernière partie du chapitre de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, il dit que si la personne, après avoir cherché la vérité, après avoir réfléchi, après avoir médité, après avoir fait l'effort pour essayer de comprendre les choses, n'arrive toujours pas à réconcilier entre les versets qui lui semblent être en conflit ou en contradiction, alors dans ce cas-là, elle doit remettre la science à celui qui la détient, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et elle doit cesser de continuer dans cette confusion-là dans laquelle elle est, et se dire, comme les hommes de science ont dit, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Et qu'elle sache que le livre, Al-Qur'an et la Sunna, il n'y a pas de contradiction ni de conflit dedans. Et le Cheikh explique cela en disant, فإذا وصلها إلى هذا الحد يقف وعند ذلك ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل فإن هذا معرك ضنك وباب ضيق وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب وأن لهم ذلك اللهم إلا بكسره والكسر معناه الهدم والدمار فبعض طلبات العلم اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل ويثبت ما ليس بلازم فمثلا يقول إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فهل يلزم من ذلك أن الله يشم وهل يلزم إذا كان الله يشم أن يكون له أنف لأن الأنف أداة الشم ويقول أيضا لله أصابع كما ثبت في الحديث فكم عدد أصابع الله 10 20 أقل أم أكثر وأمثال ذلك كثير. Donc le Cheikh il fait le premier point qu'il clarifie par rapport à ça, c'est que il dit lorsqu'on arrive donc à ce degré là ou à ce niveau là et qu'on n'arrive plus à on n'arrive pas à clarifier la vérité par rapport à ces différentes questions-là. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on remet la science de ces choses-là à Allah et on dit tout cela vient d'Allah, c'est-à-dire on y croit. Ça vient d'Allah et on y croit et on sait qu'il n'y a pas de contradiction dans les textes. Il dit que, en particulier, qu'est-ce qui a rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est un champ de bataille qui est très dangereux et très étroit, et beaucoup d'étudiants en sciences aujourd'hui, ils veulent élargir cette porte, et comment pourraient-ils élargir cette porte excepté en la brisant? Et il dit aujourd'hui c'est ce qui se passe de la part de beaucoup de beaucoup d'étudiants malheureusement, et il dit la briser cette porte, ça veut dire en fait la détruire complètement, et certains étudiants ils rentrent dans des détails et ils s'enfoncent dans des recherches au sujet des attributs d'Allah en essayant d'affirmer des choses qui ne sont pas obligatoires ou qui ne sont pas même impliquées, comme par exemple ils vont mentionner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'odeur qui sort de la bouche du jeûneur est plus bonne pour Allah que l'odeur du misc. Donc est-ce que ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala peut sentir? Et est-ce que si on dit qu'il sent, est-ce que ça impliquerait qu'il aurait un nez? Parce que le nez c'est qu'est-ce qu'on emploie pour pouvoir sentir? Donc ça c'est des exemples de questions que certains pourraient essayer de poser, qui sont des questions qui dépassent les limites. De même que certains vont poser des questions comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est affirmé que, comme c'est affirmé dans le hadith, qu'il a plusieurs plutôt qu'il a des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il a des doigts. Et certains pourraient poser la question, par exemple, combien a-t-il de doigts? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Ou des questions de ce genre. Puis Cheikh Ibn Uthaymin il dit après ça, وكل هذا من التنطع المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال هذا تحذيرا من التنطع لأن الصحابة رضي الله عنهم أصفى منا قلوبا وأغزر منا علوما وأقوى منا فهوما وأشد منا حرصا ومع ذلك لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك إطلاقا ولما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل هل قالوا يا رسول الله هل الله يمل لا وأي إنسان يقول ذلك نقول له هات الدليل أنهم قالوا هل الله يمل بل سكتوا وعرفوا المراد وهكذا يجب علينا في هذه المسألة الضيقة الضنك أن لا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله بل ما جاءنا قبلناه وكفى بنا فخرا وما لم يجئ إلينا سكتنا عنه وهذا هو الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh il continue en disant donc que ça fait partie de l'exagération qui a été interdite dans l'islam, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique rapporté par Muslim selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que ceux qui exagèrent dans la religion ils périssent, hein, que périssent les gens qui exagèrent dans la religion, et ça, c'est dans le terme mutanatti'un qui vient de attanattu' qui veut dire l'exagération, l'extrémisme. Et yani, il dit halaka al-mutanatti'un, c'est-à-dire ceux qui exagèrent dans la religion, ils périssent. Et c'est une mise en garde contre le fait d'exagérer dans la religion. Et on sait que les sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient les cœurs les plus purs. Et leur science était la science la plus profonde. Et ils avaient la compréhension la plus forte. Et ils avaient le plus grand désir, hein, et la plus grande volonté. Et yani, de chercher la vérité et de connaître la religion d'Allah, et malgré ça aucun d'entre eux n'ont jamais posé ce genre de questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, comme c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiallahu anha, lorsqu'il dit certes Allah ne se lasse pas tant que vous vous lassiez, il ne se lassera pas tant que vous vous lassez, ou tant que vous vous lassiez. Allah ne va pas se lasser tant que vous vous lassiez. Hein? Les sahaba, est-ce qu'ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que Allah se lasse, hein? Ils n'ont jamais posé ça comme question. Et n'importe qui prétendrait qu'ils auraient posé la question, hein, est-ce que Allah se lasse, eh bien on lui demande, amène la preuve, hein? Amène la preuve de ce que tu prétends. Et le cheikh, il dit plutôt, ils se sont tus, hein, parce qu'ils ont compris qu'est-ce qui était voulu, et ils n'ont pas donc posé ce genre de questions. Et c'est ainsi qu'il est obligatoire pour nous également, hein, dans ce genre de questions étroites et dangereuses, de ne pas essayer de rentrer trop profondément dans la quête, dans la recherche des attributs d'Allah. Plutôt, ce qui nous est venu, nous l'acceptons, et ce que... Hein, et ça c'est suffisant pour nous comme fierté, et ce qui ne nous est pas été rapporté ou ce qui ne nous est pas venu, eh bien on se tait à son sujet, et ça c'est d'avoir le bon comportement et les bonnes manières avec Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le shaykh il dit mas'alatun in qala qailun arafna shuyukhan laysu bi aqall fi al-fahm wal-fiqh wal-ijtihad في العلم الشرعي من غيرهم وظاهر حالهم تنبئ أنهم يقصدون بذلك وجه الله عز وجل ولا يريدون بذلك تضليل الناس ولكنهم على غير الجادة في المعتقد وغيره فكيف يفسر ذلك فلا لقصور في فهم ولا علانية ولا علانية يظن فيما يظن تدليل ولكنهم ضالون فالجواب لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمور لأنهم لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولا تفكر أن إنسانا يريد الحق ويبحث عن الحق في مظنة وهما الكتاب والسنة ولا يهتدي إليه أبدا. لا بد أن يكون في قلوبهم شيء. فإن قيل لعله سبب آخر وهو أن ينشأوا في منشأ أو بيئة لا يكون ساريا إلا ذاك المعتقد ولا يعرفون غيره، يعني مثلا لا توجد كتب مثلا دينية وكل علماء ذلك البلد على عقيدة معينة ولم يعرفوا غيرها، فهل يمكن أن يكون سببا ويعذرون بكونهم لم ينتهي إليهم علم هذا؟ الجواب: هذا من ناحية الحكم عليهم في الآخرة لا شك أنهم يعذرون، فكل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية أو جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل، ولكن بشرط أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو علم بالحق لاتبعه. Donc le cheikh il dit, maintenant le cheikh il dit, si par exemple on nous pose la question, si quelqu'un disait par exemple, il y a des chouyoukhs, ils ont pas moins de compréhension et moins de fiqh, moins d'efforts dans la quête de la science, de la religion que d'autres. Et qu'est-ce qu'on voit de ce qui est apparent de leur situation et de leur état, nous indique que ce sont des gens qui veulent réellement le visage d'Allah, en voulant dire qu'ils paraissent sincères et qu'ils ne veulent pas, par ce qu'ils disent ou par ce qu'ils font, égarer les gens, sauf qu'ils sont sur autre que le droit chemin dans la croyance. Et c'est ça, ils sont sur autre que la voie droite, yani dans la croyance et autres. Alors, comment on peut expliquer cela? Ce n'est pas à cause d'un manque de connaissance, puisqu'ils ont de la connaissance, et ce n'est pas à cause qu'ils ont l'intention d'égarer les gens, d'après ce qu'on pense, mais malgré tout, ils sont dans l'égarement. Comment expliquer ça? Et le cheikh, il répond, il dit, c'est pas possible qu'il y ait des choses, que ces gens-là soient dans cet état-là. S'ils étaient vraiment sincères envers Allah, ils auraient accepté la vérité. Ils auraient accepté la vérité. Donc, s'ils auraient été sincères envers Allah, ce serait mieux pour eux. Donc, on ne peut pas penser qu'une personne veut la vérité et cherche la vérité dans ce qui est le Coran et dans la Sunna, et qu'il n'est pas guidé, il n'y est pas du tout guidé. Où il n'est jamais guidé vers la vérité malgré tout. Il faut qu'il y ait dans ce cas-là quelque chose dans son cœur qui l'empêche de connaître la vérité. Et si quelqu'un posait la question ensuite, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre cause ou une autre raison, par exemple le fait qu'ils ont grandi ou ils ont évolué dans un contexte ou dans un milieu dans lequel il n'y avait que cette croyance, ils n'ont pas connu d'autre chose que la croyance qui était contraire à la sunna, par exemple. Ou bien il n'y avait pas de livres religieux qui sont sur la sunna dans leur pays, et que tous les ulama de leur région ou de leur pays étaient sur une aqidah spécifique, contraire à la sunna, et qu'ils n'ont rien connu d'autre que ça. Est-ce que ça pourrait pas être possible, et que ça pourrait être en même temps une cause par laquelle ils seraient excusés de ne pas avoir connu une autre science que ça? Et le cheikh, il dit en réponse à ça que si tu parles par rapport au jugement par rapport à ces personnes-là dans l'au-delà, et qu'est-ce que ça va être leur jugement et leur sort dans l'au-delà, le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute qu'ils seront excusés. Il dit parce que n'importe quelle personne qui n'a pas été transmis, à qui n'a pas été transmis le message de façon complète ou de façon partielle, eh bien il sera excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec une condition par contre, et la condition c'est que Allah subhanahu wa ta'ala sache de par rapport à leur intention que s'ils auraient connu la vérité, ils l'auraient suivi. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala sait de ces personnes-là par rapport à leur intention que s'ils auraient connu la vérité, ils l'auraient suivi, alors oui, ils seront excusés dans ce cas-là. Puis le cheikh, il résume tout ça. Il dit « Wa khulasatu ma sabaqa anna al-Qur'ana la yumkinu an yakuna fihi tanaqud wastadlalna dhalika bi qawlihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فقوله أفلا يتدبرون القرآن تشير إلى أنه قد يكون في القرآن ما ظاهره التعارض فيحتاج إلى تدبر وتأمل حتى يتبين أنه لا اختلاف فيه ولا تناقض وسبق أيضا أنه لا تناقض في السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب وكلامه من التناقض وكذلك سبق لنا أنه لا تناقض بين ما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكل من عند الله عز وجل وسبق لنا أن من ادعى التناقض فهو كاذب وأن من ظن التناقض فذلك لقلة علمه وسوء قصده. Donc le cheikh, il dit que, en résumé de tout ce qu'on a dit précédemment, on peut dire que le Coran, c'est pas possible qu'il y ait des contradictions dedans, et nous avons établi cela en nous basant sur la preuve du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Nisa, n'ont-ils pas médité sur le Coran, et s'ils venaient d'autres que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Et donc quand il dit n'ont-ils pas médité sur le Coran, eh bien ça c'est une indication qu'il se peut qu'il y ait des choses dans le Coran dont l'apparence serait yani l'opposition, ou qu'il y aurait des choses qui sont en apparence en contradiction. Et cela nécessite de notre part de la réflexion et de l'analyse, de la réflexion, de la méditation, pour arriver à comprendre ces apparentes contradictions. Parce que par exemple, il y a des versets dans le Coran, certains ont été abrogés par d'autres. Donc quand tu vas lire un verset, tu vas dire « Ah, mais ce verset, il est différent de ce que Allah a dit dans l'autre verset, par rapport à certaines règles qui ont été révélées avant d'autres et qui ont été abrogées par la suite, ou des choses de ce genre. » Donc, ça, ce n'est pas des contradictions. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, elle va lire ça, elle va penser que c'est une contradiction. Le cheikh dit également, on a mentionné précédemment qu'il n'y a pas de contradiction dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est infaillible, il ne peut pas mentir, et sa parole donc ne contient pas de contradiction. Et également, comme nous l'avons mentionné, il n'y a pas de contradiction dans entre ce qui est venu dans le Coran et ce qui est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tous les deux viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué également précédemment que quiconque prétend qu'il y aurait une contradiction, eh bien il est menteur, parce que celui qui pense qu'il y a une contradiction, c'est uniquement à cause de son manque de connaissance ou de son mauvaise intention, ou les deux ensemble, ou parce qu'il a peu de connaissances et en même temps une mauvaise intention. Le cheikh, il dit وَبَقِيَ أَنْ يُقَالْ لَوْ هَلْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَنَاقُضٌ بَيْنَ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ الْمَحْسُوسِ الجواب لا يمكن أبدا أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس إطلاقا. فمثلا لو قال قائل القرآن يقول القرآن إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية لقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، مع أن الواقع يشهد بأنها كروية، فماذا نعمل؟ أن نصدق ظاهر القرآن أم نصدق الواقع؟ نقول لا تناقض أصلا حتى نصدق هذا على هذا، لأن قوله تعالى كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها، كأنها سطح، وإلا فهي لا شك أنها مدورة، وهو أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. Ok. Maintenant, le cheikh pose une autre question. Il dit, est-ce qu'il pourrait y avoir une contradiction entre ce qui est rapporté dans la charia, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et une chose qui est palpable, hein, qui est physiquement palpable, hein, une chose qu'on peut connaître avec nos sens dans la réalité, dans la nature. Et la réponse à ça, le cheikh dit non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait une contradiction entre le Coran ou la Sunna. Hein? C'est pas possible que le Coran et la Sunna indiquent une chose et que ce soit quelque chose qui contredit ce qui est palpable, hein? Ce qui est connu par les sens. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est pas possible du tout qu'il y ait une contradiction entre les deux. Il dit, par exemple, si quelqu'un dirait, par exemple, que le Coran prouve que la terre n'est pas ronde et qu'il se base sur le verset 30 dans Sourate Al-Ghashiya, wa ila al-ardi kayfa sutihat, hein, et la terre et comment elle a été aplanie ou aplatie, hein, alors que la réalité indique que la terre, on est témoin que la terre est ronde. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on va croire à ce qui est apparent du Coran ou bien on va croire en ce qui est la réalité? Et le cheikh, il dit, déjà à la base, il n'y a même pas de contradiction entre les deux pour qu'on ait à croire à l'un par-dessus l'autre, puisque les deux ne sont pas en contradiction. Pourquoi? Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit la terre, comment on l'a aplanie, c'est-à-dire que la terre est tellement vaste et tellement grande que, hein, ça, quand on regarde, ça donne l'impression que qu'est-ce qu'on voit, c'est plat, hein. Mais il n'y a pas de doute que la terre est ronde. Hein? Comme si tu peux aller dans un endroit, par exemple, où tu vas être sur une plaine et tu vas voir que l'étendue de la terre est vaste et ça donne l'impression que la terre est plate. Hein? Parce que c'est tellement immense, c'est tellement grand. Et donc, même si ça te paraît plate à cause de ta petitesse et à cause de la vaste étendue de la terre qui est ronde mais qui est tellement vaste que ça peut te paraître plat parce que tu par rapport au fait que tu regardes comme ça, c'est tellement grand, n'empêche que la terre elle est ronde malgré tout, et donc c'est pas, il y a pas de divergence entre les deux, hein? Et juste pour regarder la traduction dans Al-Rashiya, comment ils l'ont traduit, وإلى الأرض كيف سطحت, c'est ça, et la terre comment elle est nivelée, hein, سطحت, comment elle a été nivelée ou aplatie. Non. Donc il y a pas réellement de contradiction, c'est qu'est-ce que les gens peuvent avoir l'impression parfois s'ils regardent la terre, ils regardent autour d'eux, ils voient la terre plate, ils vont dire ah la terre est plate, mais sauf que quand tu comprends que la terre est tellement grande et tellement vaste, hein, c'est une impression seulement que tu peux avoir. Sauf que quand tu regardes, il y a des endroits effectivement qui ont été aplatis sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu la terre, hein, plate pour les êtres humains, pour qu'ils puissent, hein, circuler et vivre dessus. وكذلك أيضا لو قال لنا قائل إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب يعني يصب أولا من السماء إلى السحاب ثم يمطر، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء، ويقول تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مع أن الواقع يخالف ذلك، فإن الإنسان في الطائرة فوق السحاب والسحاب تحته ممطر، وهو لا يرى أن الماء ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رذاذا، يعني قلنا لا تناقض، لأن المراد بالسماء العلو، فأنزل من السماء أي من العلو، وعلى هذا فقس. إذن هذه قاعدة تضاف إلى القاعدة السابقة، وهو أنه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا أبدا. Donc le cheikh il dit, on peut donner un autre exemple aussi. Si quelqu'un nous disait par exemple, la pluie elle descend du ciel jusqu'au nuage, et puis donc ça tombe du ciel en premier, puis après ça tombe dans les nuages, puis après ça il y a la pluie qui tombe, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset 18 dans sourate Al-Mu'minun, nous avons fait descendre la pluie du ciel, ou bien nous faisons tomber du ciel une eau. Et dans le verset 11 dans sourate Al-Qamar, on a ouvert le ciel avec une eau, avec de l'eau qui est tombée lorsqu'il y a eu le déluge, l'exemple dans sourate Al-Qamar. Donc il dit la réalité, il dit, si quelqu'un nous dit bon ça c'est contraire à la réalité, parce que lorsqu'on va en avion on va au-dessus des nuages, et puis quand on est au-dessus des nuages, même si en dessous il pleut, eh bien une fois en haut on voit pas de pluie, donc ça veut dire que la pluie elle tombe pas du ciel mais elle tombe des nuages, donc c'est des exemples d'objections que certaines personnes pourraient ramener, mais c'est complètement ridicule, parce que le cheikh il explique que il n'y a pas de contradiction entre les deux. Pourquoi? Parce que déjà en arabe as-sama ça veut dire al-ulu, ça veut dire qu'est-ce qui est en haut de nous, en haut de nos têtes. Donc tout ce qui est en haut de nos têtes s'appelle sama en arabe. Et il dit donc le fait qu'on dise que la pluie tombe de as-sama, c'est-à-dire tombe des hauteurs. Et donc puisque ça tombe des hauteurs, eh bien on peut, il y a pas de contradiction, ça tombe des nuages parce que les nuages sont fissama, sont dans le ciel, et donc ça tombe sur nos têtes. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces choses-là. Et ça, c'est une règle qu'on peut rajouter aux règles précédentes, ou à la règle précédente, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Non seulement il n'y a pas de contradiction entre les textes, mais il n'y a pas non plus de contradiction entre ce qui est connu avec les sens et qui est réel, et ce qui est connu dans la révélation divine. Puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, celui qui a révélé la révélation, c'est lui aussi qui a créé l'univers. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et ce qu'il a révélé. Et ça c'est une chose aussi que les chrétiens n'ont pas compris. Beaucoup de chrétiens, ils ont eu des conflits eux par rapport à ça, parce qu'ils ont trouvé beaucoup de contradictions entre les enseignements de l'Église et la réalité de qu'est-ce que la science moderne a découvert. Et une des raisons de ça, c'est surtout parce que l'Église prétendait tout le temps parler au nom de Dieu, et prétend aussi qu'elle est inspirée et que tout ce que l'Église dit, ça vient de Dieu et que c'est la vérité. Donc, si n'importe qui venait avec quelque chose et affirmait quelque chose que l'Église avait contredit, eh bien, automatiquement, ils étaient appelés hérétiques et puis ils étaient brûlés vivants, comme ils ont voulu le faire à beaucoup de personnes célèbres parmi les premiers scientifiques, soi-disant. Donc, c'est pour dire pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont menti. Ils ont menti sur Dieu, ils ont menti sur Allah, ils ont menti sur la religion, et à cause de leurs mensonges, ils en sont venus à vouloir même parfois renier des choses évidentes et apparentes. Allah al-Musta'an. Tandis que les savants musulmans, ils n'ont pas fait ça. Ils ont affirmé ce que Allah avait affirmé et ils se sont limités à la révélation d'Allah et ils n'ont pas parlé au nom d'Allah en inventant des mensonges. Alors, à cause de ça, on ne trouve pas ce genre de contradiction là, comme chez les chrétiens ou chez les juifs. Et le cheikh il dit وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَنَاقَضْ الْمَعْلُومُ شَرَعًا بِالْمَعْلُومِ عَقْلًا. الجواب لا يمكن. Et il dit لا بد أن نقيد. الجواب لا بد أن نقيد لأن من الناس من يرى الموهوم معقولا كما فعل أهل التعطيل في الصفات في صفات الله عز وجل وفي اليوم الآخر فقالوا ما ورد من القرآن في صفات الله فإن ظاهره التمثيل فيجب أن نؤوله على قولهم والصحيح أنهم حرفوه فإذا العقل لما كان أمرا لا يدرك بالمشاهدة والنظر فإننا لا يمكن أن نقول بانتفاء ذلك لأن العقل قد يكون عقلا سقيما ووهميا فما هي إلا ظنون وأوهام يظنها صاحبها عقولا. Donc le cheikh il dit que, est-ce que il peut y avoir une contradiction entre qu'est-ce qui est connu dans la charia et qu'est-ce qui est connu par la raison? Et la réponse à cela, le cheikh il dit il faut ici limiter l'affaire ou spécifier par rapport à cette question là il faut restreindre l'énoncé en disant que il y a des gens qui peuvent parfois s'imaginer que quelque chose est rationnel, comme les gens par exemple qui ont nié les attributs d'Allah et qui ont nié des choses par rapport au jour dernier et ils ont dit ce qui est rapporté dans le Coran dans les attributs d'Allah, son sens apparent c'est la comparaison ou la comparaison entre le créateur et la créature, et donc il est obligatoire pour nous de déformer ce sens apparent là puis lui donner une autre signification. Donc eux ils ont appelé leurs idées ou leurs fausses pensées raison, ou ils ont prétendu que c'était la raison. Alors nous on dit que dans ce cas-là c'est possible qu'il y ait une contradiction entre ce que les gens peuvent considérer comme étant la raison et la révélation, puisque parfois la raison peut être une raison qui est incorrecte ou fausse, c'est pas la raison réelle c'est uniquement des impressions ou des suppositions que des gens se prétendent être de la raison. Parce que ces gens-là, ils suivent leur passion et ils veulent se donner une crédibilité ou un poids. Donc, ils appellent à l'autorité de leur raison comme si c'était une référence, alors qu'en réalité, on peut prouver clairement que ce qu'ils disent n'est pas raisonnable et contraire à la logique. Le cheikh dit « فَعِنْدَنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ خَمْسُ قَوَاعِدْ مُهِمَّةٌ جِدًّا الأولى أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا الثانية أن السنة لا يناقض بعضها بعضا والمراد بالسنة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الثالثة أن القرآن والسنة لا تناقض بينهما الرابعة أن الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية الخامسة أن الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول فلا تناقض بين ما صح به النقل وَمَا كَانَ فِيهِ الْعَقْلُ صَرِيحًا. Donc, pour résumer, le cheikh, il résume les règles qu'on a mentionnées dans la dernière partie de, de ce chapitre au sujet de la foi en Allah et ses noms et ses attributs, il dit nous avons 5 règles importantes maintenant. C'est des règles très importantes. La première, c'est que le Coran, il ne se contredit pas. Il n'y a pas de contradiction entre les parties du Coran. Deuxième règle, il n'y a pas de contradiction entre la sunna, dans la sunna. Il n'y a pas une partie de la sunna qui contredirait l'autre partie. Et quand on parle de la sunna, on veut dire ce qui est affirmé comme étant authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième règle, il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la sunna. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, entre le Coran et la sunna. Quatrième règle, il n'y a pas de contradiction entre la révélation et les preuves physiques palpables, les choses physiques et palpables. Et la cinquième règle, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les preuves de la charia et les preuves rationnelles qui sont saines et qui sont exactes, explicites et claires. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit à ce sujet-là un livre, au sujet de la dernière règle, il a écrit un livre qui s'intitule « L'accord entre ce qui est authentique de ce qui est révélé et qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui est explicite de ce qui est rationnel ». Et qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le livre, c'est un de ses livres les plus célèbres. Dar al-ta'arud bayn al-aqli wa al-naqli. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre ce qui est rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre ce qui est explicite et correct de la raison. Donc ça c'est la fin de ce point-là. On a complété par cela le chapitre au sujet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc vous voyez, on a fait 64 cours sur al-iman billah, avec ses noms et ses attributs. Et là maintenant le prochain cours inshallah, ça va être au sujet de al-iman bil malaika, c'est-à-dire la foi en les anges. Et vous allez voir que, bien entendu, ce ne sera pas aussi long que ce chapitre-là, puisque il y a juste peut-être une quinzaine de pages ou 20 pages à propos de la foi en les anges. Et ensuite, ça va être la foi en les messagers. Non, la foi en les livres. Et après, ce sera la foi en les messagers. Et ensuite, la foi en le jour dernier. Vraiment, oui, c'est ça, la foi en le jour dernier. Puis après, c'est la foi en le Qadar, qui est le dernier chapitre du livre. Donc, oui, c'est ça, la foi en le Qadar. Puis la fin du livre, c'est les fruits qu'on peut tirer de la foi en ces piliers-là. Donc, alhamdulillah, c'est vraiment bien. Donc, alhamdulillah, on a complété le premier pilier, inshallah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, comme j'avais dit. On va finir plus tôt. Puis, on se retrouve au prochain cours, mardi, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.